Association de malfaiteurs, on peut en organiser même sans cagoule, on fait peur. Frérot, tu fais pitié, mais moi je ne ferai pas de fleurs. Dois rentabiliser la PJ m'a dans le viseur. Si t'es, je vais tout nier. Association de malfaiteurs, on peut en organiser même sans cagoule, on fait peur. Frérot, tu fais pitié, tous les esprits font pas de fleurs. On va rentabiliser la PJ m'a dans le viseur. Récupère la guedro à toute barzingue, ouais. Emilio et Bargel dans le jardin, ouais. Les sicarios font tapiner les tapins, non. Tous les keufs du coin sont au parfum, ouais. La refule à ce près, la charclée à peu près. Les petits vont se déplacer, les keufs sont dépassés. Chargés, chassés, à sauce de malfra, la juive va nous gracier. Surveille ma teuport, surveille ta pinco. Y'a de la se faire de la marata Mexico. Lundi sort du charge, le reçoit en hélico. Chargé en veuf clico. Au bigo c'est Miklo, on arrive aussitôt. L'école de la cité, on refait la déco. On arrive méché, ça m'apparaît biché. J'vois la couche à Arsena quand c'est risqué. Les keufs nous retrouvent les poux qui nous ont donné. Les keufs nous retrouvent les poux qui nous ont donné. Les malfaiteurs veulent de l'or et de la monnaie. Les malfaiteurs veulent de l'or et de la monnaie. J'finis mon doré, j'finis mon doré, j'finis mon doré. J'finis mon doré, j'finis mon doré. Association de malfaiteurs, on peut en organiser même sans cagoule, on fait peur. Frérot, tu fais pitié, mais moi je ne fais pas de fleurs. Dois rentabiliser la PJ m'a dans le viseur. Si t'es, je vais tout nier. Association de malfaiteurs, on peut en organiser même sans cagoule, on fait peur. Frérot, tu fais pitié, tous les esprits font pas de fleurs. On va rentabiliser la PJ m'a dans le viseur. Le coffre là, go, vais pas charger. On ravitaille tout le secteur. On fait du pain, pas des baguettes. Tu peux demander aux inspecteurs. Je le sors en équipe. La CR, on whisky. Viens péter le champagne. Je suis avec eux, en esprit. En bonne organisée, occupé, je ne réponds pas. 19 ASD, ça vaut la tour de Bogota. Pas d'amitié, dans le business, j'ai des contacts. Toujours au paix, pécan tu auras dans le local. On sait faire que la monnaie, on cause pas trop, tu sais. Que des têtes à la frais, mais on reste discret. Y'a haja, on est armé, encore mieux que 17. H24 dans les affaires, on lâche pas le bistec. Association de malfaiteurs, on peut en organiser, même sans cagoule, on fait peur. Frérot, tu fais pitié, mais moi je ne ferai pas de fleurs. Dois rentabiliser la PJ m'a dans le viseur. Si t'es, je vais tout nier. Association de malfaiteurs, on va d'organiser, même sans cagoule, on fait peur. Frérot, tu fais pitié, tous les esprits font pas de fleurs. On va rentabiliser.